vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bienvenue à cette émission classique en ce vendredi 25 avril 2014. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 6 prochaines heures. Émission régulière cette semaine en compagnie du Dr. Pendragon. Je vais vous présenter comme toujours la sélection rock la plus éclectique, la plus éclatée des ondes. Nous allons entendre du rock psychédélique, du hard rock, du rock and roll, du folk rock, du AOR, du blues rock, du boogie, du rock progressif, du southern rock, du glam rock, du shock rock et du metal. Vers la fin, nous allons entendre entre autres des artistes des groupes tels Nashville Pussy, AC/DC, Kiss, Allman Brothers Band, The Doors, Grand Funk Railroad, The Yardbirds, Alice Cooper, Yes, Kansas, Blood Ceremony, Pat Travers et Slayer. À travers tout ça, je vais vous présenter un groupe américain sudiste très obscur des années 70 du nom de Marshall Tucker Band et je vais vous faire tourner une face complète de non pas un, mais bien deux albums vinyles classiques parus il y a 40 ans cette semaine, soit Diamond Dogs de David Bowie et Secret Treaties de Blue Oyster Cult. En outre, je vais vous présenter plusieurs nouveautés par de jeunes formations telles Bend Sinister, Epica Menace, Portrait, Ex Mortis Biblical, Throne of Vengeance, et je vais vous parler de l'édition spéciale 40e anniversaire de l'album Not Fragile de Bachman Turner Overdrive. Le Dr. Pendragon va se joindre à nous dans à peu près 90 minutes, puisque bien sûr, avant ça, Simon Fitzbay va venir nous visiter dans la première heure de l'émission pour vous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 21 au 25 avril. Donc, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débutant, force est de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un groupe de la fin des années 60 qui a marqué l'évolution du rock. Je parle des Stooges. I wanna be your dog. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. We'll be right back. The Stooges, I Wanna Be Your Dog. Une pièce qu'on retrouve sur le premier album de cette formation du Midwest, dont on dit qu'elle a préfiguré le mouvement punk dans les années 70. C'était l'anniversaire de leur légendaire chanteur cette semaine. Et effectivement, c'était l'anniversaire de naissance, le 21 avril, de James Jewel Osterberg, mieux connu sous le nom d'Iggy Pop. Oui. Qui célébrait ses 67 ans cette semaine. Chanceux d'être encore en vie. Oui, avec tout ce qu'il a vécu. Oui, oui. Paul Stanley n'en dit pas tellement de bien dans son autobiographie. Il était pas tellement professionnel, Iggy Pop, semble-t-il. Très intoxiqué, évidemment. Deux caractéristiques, Gene Simmons et Paul Stanley ne pardonnent pas tellement, n'est-ce pas? Oui. Qui sont déjà ouverts pour les Stooges au début de leur carrière. Et puis, ils avaient vraiment pas été emballés par l'expérience. Hey, j'ai appris cette semaine que Iggy Pop, depuis quelques années, est le porte-parole d'une série de publicités pour une compagnie d'assurance automobile. Oui. Étrange. Oui, très étrange. je crois que c'est au Super Bowl, il y avait eu une pub justement de Iggy Pop qui se promenait en voiture. Je me rappelle plus où était le Super Bowl cette année ou l'année passée. En tout cas, il se promenait dans une ville et là, il regardait. Tu voyais la ville qui avait le reflet. Il y avait une des pièces, je pense, d'Iggy Pop qui jouait en plus. C'est bizarre. Oui, vraiment. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de M. Simon Fitzbé, l'authentique, le véritable historien de Cifou, car c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Dis-nous, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 21 au 27 avril? Bien comme à chaque semaine des anniversaires des plus mémorables, on a également des rencontres des plus mémorables aussi. Des plus burlesques, des souvent. Des plus burlesques, oui. Et des lancements d'albums qui sont également tout à fait mémorables. Oui, on est dans la mémorabilité cette semaine. Oui, moins qu'on puisse dire. Et on poursuit cette journée du 21 avril en 1957 avec une autre naissance, celle de Robert Smith, chanteur des Cure, célèbre ses 55 ans cette semaine. Qui n'est pas très rock, lui, non plus. Non, pas du tout. On parlait d'Iggy Pop là, en solo, c'est pas très rock. Là, Robert Smith. The Cure, c'est encore moins pop. Plus pop, plutôt. Moi, je connais seulement Robert Smith pour ses cheveux. J'ai jamais entendu un album de The Cure. On m'a jamais conseillé d'en écouter. Ben, on t'a très bien conseillé. On a également en 1967, les Beatles qui terminent l'enregistrement de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et tu sais que le dernier truc qu'ils ont enregistré, c'est l'espèce de micmac qu'on entend à la fin de l'album, qui est constitué de sons hétéroclites que l'ingénieur Jeff Emerick a collé et passé à l'envers et qu'on retrouvait uniquement sur la version britannique de Sgt. Pepper's et non pas sur la nord-américaine. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est vraiment quand les CD sont sortis parce qu'il n'y avait pas ça à la fin vinyle américain de Sgt. Pepper's. Il y a un coup de sifflet, semble-t-il, à haute fréquence de 15 kilocycles qu'on peut entendre. En fait, on ne peut pas l'entendre parce qu'il est seulement audible pour les chiens. Ouais. Et c'est John Lennon qui en a eu l'idée bizarre aussi. Si je ne m'abuse, sur le disque vinyle, c'était un loop infini, ce petit bout-là. Parce que il me semble que j'avais entendu ça, que ça pouvait tourner jusqu'à l'infini si tu le laissais là. Ben dans le fond, c'est qu'il n'y avait pas de fin. C'était comme un tour sans fin. Mais il me semble que ça serait pas assez long. Ça serait trop long, en fait, pour que ce soit un seul tour. Oui, tout à fait. J'ai été mené en bateau. En barque, oui. Ouais. En 1969, Janis Joplin fait sa première apparition à Londres lors d'un concert au Royal Albert Hall. Oui, et c'est Yes qui ouvrait pour elle. Ah oui. Il y avait toujours des mélanges comme ça, assez ahurissants. On a parlé de Jimi Hendrix la semaine dernière, ou il y a deux semaines, qui ouvrait pour Engelbert Humperdinck. On pourrait dire que c'était à l'époque aussi où les artistes étaient vraiment capables de se définir d'un à l'autre sans nécessairement se ressembler trop. Oui. C'est quelque chose aujourd'hui, là. Tu vas avoir une carte pour un concert et ça va être tous des groupes dans le même style pour ne pas déplaire à la foule. Dans ce temps-là, tu peux avoir vraiment des packages hétéroclites. J'aurais aimé voir ça quand même. Même si je suis pas un fan de Janis Joplin, je suis un fan de Yes. Donc ça aurait fonctionné. Oui. En 1973, Alice Cooper est au numéro 1 des ventes d'albums avec Billion Dollar Babies. Oui, et ce qui est particulier, c'est qu'il a été numéro 1 à la fois aux États-Unis et en Angleterre. En même temps? Oui. Chose très rare. Oui, c'est très, très rare, ça. C'est les astres qui s'alignent. Et le 21 avril 1994, Courtney Love remet l'arme avec laquelle Kurt Cobain s'est suicidé à l'organisme Guns for Tickets. Est-ce qu'elle a eu des billets pour ça? J'imagine. Je sais pas de quoi ou si elle les a donnés. Elle aurait dû remettre cette arme-là le mois précédent. Oui, en effet. Ça aurait été une meilleure idée. Mais tu sais que... je pense que c'est quelques mois avant la mort de Kurt Cobain, elle avait appelé la police et la police avait saisi plusieurs armes illégales chez Kurt Cobain qui est un peu comme David Crosby, qui était un peu fétichiste des armes à feu. Lui, il aimait ça d'en avoir autour de lui. Il sentait plus en sécurité avec ça. Et quand même qu'il y a eu ce raid-là chez lui, mais il avait réussi à s'en procurer d'autres entre-temps. C'est assez triste. Oui. Ce qui nous amène au 22 avril de cette semaine, on débute le tour en 1950 avec la naissance de Peter Frampton qui célèbre ses 64 ans cette semaine. 64 ans. Oui. Mais il a l'air beaucoup plus vieux que ça. Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah oui, c'est dommage. Ouais. La pochette là, de Frampton Comes Alive, vraiment plus d'actualité. En 1964, le président de la Fédération des coiffeurs offre une coupe de cheveux gratuite, au prochain groupe qui atteindra la première position du palmarès. Ce dernier a déclaré que le groupe le plus mal coiffé était les Rolling Stones. Un d'entre eux a même l'air de porter un plumeau sur la tête. Oui, et je dirais que c'est Keith Richards. Avec ces genres de, C'est vraiment l'air d'avoir un plumeau sur la tête. Il y avait l'air de ça à l'époque, Il y a un cheveu particulier, c'est Keith. Oui. En 1965, Bob Dylan qui lance Blonde on Blonde. Oui. Un excellent album. Oui, c'est son meilleur, je trouve. Je trouve, là. Ouais, il y en a qui vont dire Highway 61. Il y en a d'autres qui vont dire Bring It On. Oui. Mais c'est au niveau de la popularité, au niveau du grand public aussi, c'est son. C'est son grand top. Oui, oui. C'est son sommet. Oui, oui, vraiment. En 1966, The Troggs lance Wild Thing. Oui, un morceau écrit par Chip Taylor, qui est le frère de l'acteur John Voight. Thing, qui a beaucoup influencé des groupes comme ça, de garage et de punk rock. Chip Taylor, lui, il me semble que c'était l'annonceur sur la scène au Festival de Woodstock. Possible. Vous devez faire une recherche là-dessus pour. Mais ouais, quelle pièce et quel album, en fait, aussi Wild Thing. En 1969, John Lennon change plutôt son second prénom. Il passe de Winston pour Winston Churchill à Ono. Pour Yoko Ono, bien sûr. Oui. Tu sais, j'ai lu qu'on allait rendre disponible une entrevue bizarroïde que John et Yoko ont accordée à la fin des années 60. Je pense que ça va être disponible sur PBS. J'ai lu ça ce matin dans les nouvelles. Et dans cette entrevue-là, John Lennon explique qu'il y avait, jusqu'à sa rencontre avec Yoko, il chantait des chansons sur l'amour, mais il ne savait pas vraiment ce que c'était l'amour avant de rencontrer Yoko. Alors lorsqu'il chantait « All you need is love », il ne savait pas de quoi il parlait, selon cette entrevue. C'est spécial. Il faut dire que la relation qu'il avait avec Yoko Ono était quand même assez particulière. Oui. De là à dire que... C'est pas très gentil pour sa première femme. Non, effectivement, c'est ça. Exactement. Et oui, c'était de l'amour, mais est-ce que c'était l'amour avec un... C'est-à-dire, est-ce que c'est la seule définition de l'amour? Je ne pense pas. C'est la seule qu'il avait à l'époque. C'est assez particulier. Oui, vraiment. C'est un cas. Très étrange. Oui. Parce qu'à peu près toutes les chansons qu'il a écrites avec les Beatles... parle d'amour. Oui, être capable de faire autant d'argent avec l'amour sans savoir ce que c'est, j'ai des doutes. En 1969, les Who présentent Tommy dans son entièreté pour la première fois. C'était à Dalton, en Angleterre, qu'a eu lieu ce concert. Qu'ils ont joué notamment à Woodstock par la suite, l'été suivant, quelques mois après. Exactement, aux petites heures du matin. Les Who qui vont faire une tournée 50e anniversaire. Ah oui? Ils reviennent encore. Oui, pour la dernière fois. Et puis Tonchin l'a dit, j'aime pas tellement ça sortir de chez moi. Mais il dit, une fois que je suis sur la route, là, j'ai vraiment du plaisir à le faire et je suis encore bon pour le faire. Alors, 50e tournée 50e anniversaire pour les Who en 2015. Eh bien, tant mieux pour eux. On pensait que c'était la dernière fois, là, il y a deux ans. Ouais, mais non, ouais. Semble que non. En 1972, c'est Deep Purple qui trônent au sommet des palmarès des ventes d'albums britanniques avec Machine Head. Oui, qui était leur deuxième numéro un en Angleterre, puisque In Rock était le premier gros succès pour Purple là-bas. Tout un album. Et on termine cette journée d'éphéméride du 22 avril en 1979, alors que les Rolling Stones donnent un concert pour les aveugles de Toronto afin de répondre aux conditions plutôt d'abandon de la cause de Keith Richards, accusé de trafic d'héroïne, bien sûr, quelques années auparavant. Tout à fait. Et gageons que cette fois-là, ils ont sûrement joué cette pièce qu'on va entendre, qui était tirée du dernier album studio qui venait de sortir. Beast of Burden, vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Def Leppard, Rock Brigade, c'est la pièce qui ouvre leur premier album complet, On Through the Night, paru en 1980. C'est très rare, ça, que je fais jouer du Def Leppard. Je joue pas tellement Def Leppard. C'est spécial. Ben, écoute, j'aime des trucs qui sont quand même pas très cérébrales. J'aime Kiss, hein, puis. Mais ils sont drôles, Kiss. Def Leppard, ils sont pas drôles. Non, c'est le seul problème, c'est qu'eux sont sérieux. C'est ça que j'aime, les gars, comme Steel Panther, hein, tu sais. Je veux dire, ils disent des niaiseries, mais tu sais, ils sont pas sérieux, là. Ils exagèrent, ils caricaturent le genre de groupe que sont Def Leppard ou Motley Crue. Juste avant ça, on a entendu les Rolling Stones avec Beast of Burden. C'est un classique qui vient du tout aussi classique album Some Girls de 1978. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de M. Simon Fitzbé et moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant aux éphémérides du 23 avril. Oui, on débute le 23 avril en 1960 avec la naissance de Steve Clark, guitariste de Def Leppard. Oui, qui est décédé en 91 à l'âge de 30 ans. Hein. Il est décédé là, de... il buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment un alcoolique. Là. C'est fini. Ainsi que d'un mélange de médicaments, il me semble. Ah, il avait pris des médicaments avec ça. Il en est mort. Ouais, c'est malheureux. En 1979, Blondie est au numéro 1 du palmarès avec Heart of Glass. Oui, c'est pas très rock, pas ça, du tout. Blondie. Pourtant, ils sont au Rock'n'Roll Hall of Fame. Mm-hmm. Dernièrement, Debbie Harry a avoué sa bisexualité. Ah oui? Oui. Ah. Eh bien. Parce qu'on lui, semble-t-il, on lui a demandé est-ce que vous auriez été intéressé à aller jouer aux Jeux olympiques à Sochi, et puis, ah ben non, du fait de ma bisexualité, ça aurait pas été une bonne idée. Quand, en fait, elle était invitée, et il y avait eu Elton John aussi qui avait été invité, il a cancellé tout de suite, elle a cancellé un peu plus tard. Je pense que les Jeux étaient déjà commencés, puis c'était un événement à l'extérieur des Jeux, mais à Sochi. Et elle a cancellé à cause de ça. Ouais. Mais tu dis, oui, Blondie, c'est pas très rock, mais pourtant, ils ont commencé en faisant le CBGB avec les Ramones. C'est un groupe qui était associé au mouvement punk de New York. Mais je comprends pas pourquoi, parce que moi, j'ai jamais rien entendu de punk là, de Blondie. Non, c'est à ma connaissance, il n'y a rien d'enregistré sur disque là, de punk de Blondie. Seulement les racines. Si vous trouvez ça très rock, là, One Way or Another, là, c'est pas tout à fait ça. Là, hein? C'est vraiment pas ça. En effet, pas très rock. Mais Call Me be One Way or Another, c'est à peu près les plus heavy, disons, dans leur répertoire. Non, c'est très vrai. C'est au niveau des racines. Le style des ailes, les ailes plutôt, c'est pas très rock, ça. Ouais. En 1988, parlons de l'album Seventh Son of a Seventh d'Iron Maiden qui est au top, des ventes d'albums américains. Oui, pas juste aux États-Unis, encore là, c'est exceptionnel, mais en Angleterre aussi, et au Québec. Oui, oui. Seventh Son of a Seventh Son, c'est comme le sommet, je dirais, artistique là, de Iron Maiden. Ah, c'est tout par la suite, ils ont décliné un peu. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de bons albums là, après ça. Mais c'était pas mal un sommet, ça. Ouais. Je l'ai présenté l'année dernière pour le 25e anniversaire. Là, j'avais présenté une face complète de l'album vinyle. Je pense que j'avais passé la phase 2, il me semble. Mm-hmm. Ouais. Fait quand même un an, là. Hein? Ah, c'est normal, là, c'est pas tout ça dans le... Non, mais c'est un excellent album à découvrir si jamais vous n'avez jamais entendu. Ouais. C'est un peu les débuts du métal progressif aussi, de façon plus définie, plus claire. Hein? Ouais, ouais. Et pour terminer cette courte journée d'éphémérides du 23 avril, eh bien, en 1991, Johnny Thunder des New York Dolls décède d'une overdose de drogue. Oui. Une surdose. Oui. Il n'a pas surpris personne avec ça. Allez. Ce qui nous amène à la journée du 24 avril. Oui, on débute cette journée en 1945 avec la naissance de Doug Clifford, batteur de Creedence Clearwater Revival. Oui, dont tu nous as présenté l'album complet Cosmos Factory aujourd'hui. Effectivement. Bonne idée. Cosmos, qui était le, comme tu l'as dit, le surnom de Doug Clifford. Qui n'aimait pas aller pratiquer à tous les jours. Ah, mais il y avait ça en commun avec Peter Chris et Ace Frehley. Ah oui, il n'était pas assidu non, à la répétition. Non, vraiment pas. pourtant, c'est quand même gage de succès en musique. Là. Ben, tout à fait. Il faut être tight. Stanley Simmons avait compris. Ben oui. En 1965, les Beatles sont au numéro 1 du palmarès avec l'excellente pièce Ticket to Ride. Oui. La version spectacle qu'on retrouve, qu'ils ont joué au Shea Stadium est particulièrement bonne. Oui. Meilleure que la version studio. C'est vrai. En 1968, Apple refuse de signer un jeune David Bowie. Quelle erreur. Ça, c'est, oui, ça, c'est. Mais quoi que. À l'époque, il n'était pas. Non, c'était pas très bon, au début, Bowie. Là, même son premier album. Ben, son premier album qui a eu du succès, là. Space Oddity. Pas très bon. Pièce Space Oddity qui est bonne. C'est, ben, c'est fantastique, mais le reste de l'album est assez moyen, ouais, là. Non, c'est vraiment. J'ai compris à les Beatles d'avoir été réticents, quoi, qu'ils ont signé des trucs pas mal moins de fun. En 1969, Paul McCartney s'adresse à la presse pour prouver qu'il n'est pas mort. En effet, il n'est pas mort. Il a même rajouté 6 dates à sa tournée mondiale aux États-Unis cette semaine. Ah oui? Oui, ouais, on en attend d'autres. Là. Il continue. Je vais essayer d'y aller là, quelque part. Je ne sais pas où, là, mais je vais essayer d'y aller. Incroyable comment qu'il est en forme et encore capable. C'est fantastique. Oui, vraiment. En 1972, c'est John Lennon qui lance « Woman is the nigger of the world ». Oui, pas une très bonne pièce, hein? Non, pas du tout, et pas un bon choix de nom non plus. Mais on comprend le message, là. Oui, tout à fait. Oui, ça, en fait, c'était pour dénoncer le sexisme. Là. Ouais. On comprend très bien ce qu'il veut dire, là. Mais moi, je trouve que c'est deux choses en même temps qui c'est difficile à comparer parce qu'ils ils vivent encore beaucoup de discrimination, ces deux groupes-là. Et enfin, bon, c'est dans la tête de John Lennon. Oui. En 1974, il y a 40 ans, cette semaine, David Bowie lance Diamond Dogs. Ben oui, c'est pourquoi j'ai présenté une face complète de cet album vinyle classique. Oui. Mystérieux, un album mystérieux. Ouais, excellent album. Je vais faire ça cet après-midi. Là. Génial, et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, donc je serai à l'écoute. Ah, je l'ai écouté plusieurs fois dans les dernières semaines. Là. Ah ouais. Ouais. En 1975, Pete Ham, le leader de Badfinger, se suicide. Oui, il s'est pendu plutôt dans le garage de sa maison là, dans le Surrey. Il avait 27 ans. Ouais. Quelques années plus tard, son ami Tom Evans, son collègue de Badfinger, avec qui il a coécrit entre autres le classique Without You, il s'est suicidé lui aussi de la même manière. Ouais. Et les deux, tout simplement, ont donné comme raison, c'était leur découragement, leur désillusion par rapport au show business, à la musique, au monde de la musique. Ouais, effectivement. Ils étaient quand même dépressifs aussi. Ils devaient avoir un background de tout ça, mais c'est une vision très sombre, justement, de l'industrie qu'ils ont eue. C'est vraiment triste. Là. Et ça a mis fin au groupe, bien sûr. Dernier album qui était Wish You Were Here. Même titre que l'album de Pink Floyd. Bien sûr. Qui est sorti aussi en 75. Un bon album. Je ne connais pas assez Batman. C'est bon. Une corde que je devrais rajouter à mon arc. En 1976, Led Zeppelin obtient leur 6e numéro 1 en fil avec l'album Presence aux États-Unis ainsi qu'en Angleterre. Oui, ben oui, encore là. C'est la semaine des albums qui ont connu un succès similaire. Donc, et là, on a un exemple de quelque chose, un album assez, même très moyen, qui s'est retrouvé au numéro 1 juste à cause du nom du groupe. Parce que Presence, pas un très bon album. Non, mais il s'est retrouvé numéro 1 parce que c'est Led Zeppelin, donc les gens l'ont acheté parce que c'est sûrement bon. Et non. Et le pire dans tout ça, là, c'est que Jimmy Page, il continue à dire, là, malgré tout ça, là, que c'est son album préféré de Led Zeppelin. Ça a ni queue ni tête, là. C'est parce que. Mon homme, t'as fait le premier, t'as fait Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 4, ça c'est des chefs-d'œuvre, Physical Graffiti. Presence, là, Candy Store Rock là, et autres cochonneries du genre. Plus, là, c'est pas bon. Là. Presence, c'est surtout un album réalisé par John Paul Jones et Jimmy Page. Non, pas Jimmy Page, Robert Plant. Jimmy Page Tu parles d'Into the Outdoor. Into the Outdoor, oui. Oui. Parce que Presence, c'est l'album qu'ils se sont dépêchés d'enregistrer parce que Robert Plant s'était retrouvé dans un grave accident de voiture et il était dans une chaise roulante. Alors, ils ont dû interrompre la tournée américaine qu'ils faisaient pour enregistrer cet album-là parce que sans ça, il aurait été absent trop longtemps. On peut avoir une présence.、 C'est ça. Exactement. D'où le nom de l'album. Mais oui. Mais oui. 、ça a pris 2 semaines d'enregistrer, je pense, cet album-là. Ah, ouais. Mais c'est pas bon, sérieusement. On commence pas. Disons qu'on aborde. Il faut surtout pas aborder Led Zeppelin avec présence. Non, on commence pas avec ça. Il y a des bons trucs dessus, là. Et que Last Stand, là, c'est très bon. Mais il y a des affaires qui sont dessus qui sont vraiment pas bonnes. Oui. Malheureux. En 1976, Wings at the Speed of Sound est au numéro 1 des ventes de disques américaines. Un autre exemple d'un disque pas très bon. Oui, c'est un des moins bons là, de Paul McCartney. Et il s'est retrouvé numéro 1. Ce que beaucoup aidé, c'est la pièce Silly Love Song. Ouais, ouais. Le reste de l'album, il y a des trucs qui sont vraiment pas bons dessus. Vrai. Comme Cook of the House là, qui est chanté par Linda McCartney. Excuse-moi, j'ai rien à dire. Ouais, j'avoue qu'on peut laisser faire. Ouais. Moi, Silly Love Song, je trouve que c'est pas si. Ah non, c'est bon, Silly Love Song. C'est une, bien, c'est une bien. Belle pièce pop. Là. Mais j'avoue que le restant de l'album est pas terrible. Il y a Led Zeppelin qui. Ah même... ouais, non, celle-là, j'ai. Je sais pas. Non. J'embarque pas. on a également la même journée. Oui, il a pas été chasseux. Non, c'est ça. C'est mon éphéméride favori, je crois. En 1976, Paul et Linda McCartney passent la soirée chez John Lennon et Yoko Ono. Plaisant. Oui, en effet. Ils étaient à leur appartement de New York. Ils se voyaient une fois de temps en temps. Mais je pense que c'est la dernière fois qu'ils se sont vus d'ailleurs. Non, c'est le lendemain. C'est le lendemain, oui. Et le soir même, en fait, de cette rencontre, Lorne Michaels, le producteur de Saturday Night Live, apparaît à la télévision et offre 3 000 $ aux Beatles pour se reformer. Bien sûr, c'est un clin d'œil à Sid Bernstein, qui venait de leur offrir 1 million, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, pour refaire le Shea Stadium une fois ou deux. Et lui, il disait, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on vous offre 3 000 $. Faites 3 chansons. Faites She Loves You, vous voulez 1 000 $. Une autre chanson, un autre 1 000 $. Puis vous prenez ça, vous dépensez ça comme vous voulez. Vous pouvez en donner moi à Ringo, si vous voulez. Tout ce qu'on veut, c'est un show. Lennon et McCartney étaient tellement motivés qu'ils ont pensé descendre parce que l'appartement de Lennon ou Dakota était c'est pas très loin. C'est vraiment pas loin. Les studios de Saturday Night Live, du 30 Rock. Ils ont même sorti leur guitare pour pratiquer 2-3 trucs, mais ils voulaient pas faire de chansons des Beatles. Et finalement, ils ont décidé de laisser tomber. Ils se sont rendus compte que ça serait peut-être un peu fou. Ça aurait été vraiment incroyable. Et je me rappelle même d'avoir vu ça dans une rediffusion de Saturday Night Live et je trouvais ça vraiment génial comme idée. C'était une belle soirée, mais le lendemain, ça s'est gâché parce que Paul est retourné avec Linda et puis Lennon n'était pas en forme et puis il a foutu à la porte. Ouais, ça me surprend pas. Il y avait VH1 qui ont fait un genre de daytime drama avec ça. Ils ont fait un film imaginé de cette rencontre-là, mais Linda et Yoko ne sont pas là. Et c'est affreux comme film. Les perruques placées tout croche, des barbes qui décollent. Dans la mouvance de la série qu'on avait fait sur Harmonie. Oui, exactement. Je pense qu'ils ont pris le même réalisateur, le même costumier, ils l'ont engagé. Ils ont dit, tu sais, c'est pas comme si le monde savait c'était qui, Paul McCartney et John Lennon, les avaient déjà vus, donc ils leur ont fait c'est assez spécial. L'histoire est le fun, mais j'aurais aimé mieux lire un livre que de voir un film. Sur HBO? C'est VH1, je pense, qui avait fait ça dans le temps, et ça fait déjà une couple d'années. C'est vraiment pas très bon. Regardez pas ça. En 1982, Paul McCartney et Stevie Wonder, encore Paul McCartney, sont au numéro 1 du palmarès avec Ebony and Ivory. Oh, ça, c'est affreux, par exemple. C'est vraiment affreux, ça. C'est assez lamentable. C'est coriace pour un amateur de rock. Oui, en effet. En 1984, Jerry Lee Lewis, qui d'autre, marie sa 6e femme, Carrie McCarver, âgée de 22 ans. Sa 6e femme en 25 ans de mariage. En 25 ans, dans une période de 25 ans, je veux dire. Ouais. Et on n'oublie pas que c'est le type qui avait marié sa cousine de 13 ans, 30 ans auparavant. Oui. C'est incroyable. Je dirais plus 25 ans. 25 ans, ouais, t'as raison. En 1993, et pour terminer cette journée d'éphéméride du 24 avril, Neil Young, Willie Nelson ainsi que John Mellencamp sont en tête d'affiche du 6e Farm Aid. Oui, qui est un événement qui n'existe plus maintenant, il me semble. Non, je pense que ça n'existe plus. Mais en fait, il y a eu des fondations qui ont été mises en place pour aider, justement. Mm-hmm. Pour aider les cultivateurs américains. Oui. On va aller l'écouter, Neil Young, avec une pièce un petit peu plus obscure que j'aime bien. Come on, baby, let's go downtown. Vous êtes à l'émission classique sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Come on, baby, let's go downtown. Let's go, let's go, let's go downtown. Come on, baby. With a tear in their eye. Sure enough, they'll be selling stuff when the moon begins to rise. Pretty bad when you're dealing with a man. The light shines in your eyes, yeah. FCR, bien sûr. Bad Moon Rising, pièce que j'ai rarement fait jouer ici à l'émission.、Mm. C'est un immense classique.、Hein. Bien sûr. Je pense que tout le monde connaît ça. Excellente pièce. Et ça, c'est tiré de l'album Green River de 1969. Et on va en reparler dans un moment de CCR.、Mm. Et juste avant ça, on a entendu Neil Young avec Come On Baby, Let's Go Downtown, une pièce qui est enregistrée en spectacle, mais qu'on retrouve sur l'album studio Tonight's the Night de 1975, qui est un des très bons albums、de Neil Young,、 oui. de sa carrière. Mais c'est un album difficile, par exemple. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour les fans. Oui, vraiment. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de M. Simon Fitzbé et moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 25 avril. Et effectivement, et on débute ce 25 avril en 1945 avec la naissance de Stu Cook, bassiste de Creedence Clearwater Revival. Je vais avoir dit ce nom-là, d'une façon record cette semaine. Et exactement le lendemain de celle de l'autre moitié de la section rythmique de CCR, le batteur Doug Cosmos Clifford, lui, le 24 avril 1945. Les deux hommes ont donc 69 ans. Oui, on en a parlé. Mm-hmm. Et ils ont un groupe, hein, depuis plusieurs années qui s'appelle CCR, mais Creedence Clearwater Revisited. Oui, exactement.En 1974, Pamela Courson, la copine du défunt Jim Morrison, décède d'une surdose d'héroïne et, curiosité peut-être, elle avait également 27 ans. Oui, le même âge que Jim、Morrison. Lorsqu'il est décédé. En 1979, souvenons que c'est la première du film Rock'n'Roll High School qui mettait en scène les Ramones, mais...à quelques minutes de la fin seulement. Pas vendre de punch, là, mais on les voit pas avant. Mais il y a la musique des Ramones, cependant,、mm-hmm. qui est、excellent là-dedans. Et、c'est un film drôle, à voir. Ouais. En 1981, Wings se sépare suite au départ de Denny Lane. Oui, sauf que Paul McCartney était complètement désintéressé.、Mm-hmm. Suite à son incarcération, là...、 Ouais. Au Japon, là, ben, ça a été, on pourrait dire que ça a été la fin des Wings parce que Paul McCartney était plus motivé. Alors, c'est pas vraiment le départ de Denny Lane là, qui a changé tout ça. Qui a motivé tout ça, mais... c'est le manque de motivation de McCartney. Et on termine cette journée du 25 avril en 1990 alors que la Fender Stratocaster blanche avec laquelle Jimi Hendrix a joué au Festival de Woodstock de 1969 se vend 295 000 $ lors d'une vente aux enchères. Et gageons que depuis 24 ans, elle a sûrement pris beaucoup de valeur. J'imagine, oui, en effet.Ce qui nous amène au 26 avril, et on débute cette journée, oui, en 1943, avec la naissance de Gary Wright, qui、a connu le succès au sein de Spooky Tooth en 1900. Donc, il célèbre plutôt ses 71 ans cette、 ouais. semaine. Mais il a aussi、eu un énorme succès en solo hein,、mm-hmm. avec Dreamweaver. Oui! Pièce rendue célèbre, entre autres, pour les gens de ma génération dans le film Wayne's World. Ben oui, Wayne's World. En 1986, Van Halen est au numéro 1 des ventes avec l'album 5150. Oui. Ben encore là, c'est le nom qui a fait vendre、mm-hmm. parce que moi je trouve que c'est pas très bon et puis c'était plus le même groupe non plus. Hein, non, c'est rendu un groupe de AOR là, très très axé rock commercial FM. Oui.Moi, je ne suis pas un grand fan de cette période. Non, vraiment pas. comme beaucoup de monde. Oui. Ouais. En 1995, Courtney Love refuse l'offre $1 million pour poser nu dans le magazine Playboy. Ben, qui veut payer pour voir ça? Elle l'a fait gratuit pour David Letterman quelques 10 ans plus tard. Ben, oui, et puis dans le film... Le film sur Larry Flynt, mm-hmm. là, qui est sorti dans ces années-là, ouais. là, pas mal tout nu tout le long. Oui, j'avoue.Elle a choisi Hustler à la place de Playboy. Es-tu sérieux? Ben non, mais c'est-à-dire à cause du film de Larry Flynt. Ah! Qui était le fondateur d'Hustler. D'accord, oui. Voilà pour cette courte journée. Et c'est très courte, oui, en effet. Oui, en effet. Ce qui nous amène à cette dernière journée de la semaine d'éphéméride, le 27 avril, et on débute en 1951 avec la naissance du très grand Ace Frehley, guitariste original de Kiss, qui célèbre donc ses 63 ans. Ben oui. Mm-hmm. Semble-t-il l'homme le plus paresseux au monde, par contre. Hein? Ben, je le croirais, parce qu'il n'a pas été très productif depuis son départ de Kiss. Là, même à partir de. Il est parti quoi en 81, 82. Ouais, il est revenu pour la réunion en 96. Il est reparti en 2000. Il n'a pas fait grand album là, dans cette période-là. Là, Ace, là, ça y prend beaucoup de temps à aboutir. Et selon Paul Stanley, c'est l'homme le plus paresseux de l'univers. Pourtant, pour être talentueux comme ça, la guitare, c'est pas vraiment être paresseux. C'est ce que Stanley dit. Il dit si ce gars-là avait eu juste un peu plus de motivation, avait été moins paresseux, il aurait pu être un des très grands guitar heroes de l'histoire du rock. Là. Mais malheureusement, après le troisième album, après le succès de Live, là, ben, il se laissait aller. Ouais. Hein, parce qu'il joue presque pas sur l'album Destroyer. Pas beaucoup sur les deux suivants. Écoute, c'est dommage, là, mais Ace, il est un peu trop paresseux pour. Il est chanceux de s'être retrouvé au Rock'n'Roll Hall of Fame. Ouais, j'avoue. Mais c'est lui qui tenait Kiss au début, là, musicalement. Ah ouais? Là, c'est lui qui était vraiment le musicien là, dans le groupe. Là. Mm-hmm. Mais paresseux, comme ça se peut pas. Il a perdu, il a perdu tout ça par après. En 1968, c'est Simon & Garfunkel qui lance Mrs. Robinson. Oui, un immense succès, pas seulement chez les jeunes, mais les personnes âgées aussi appréciaient Mrs. Robinson à cause du film. Voilà. Bien sûr, The Graduate. En 1976, David Bowie est arrêté et mis en détention dans un train entre la Russie et la Pologne parce qu'il est en possession d'un livre nazi. Il s'est défendu en affirmant que le livre allait servir pour un de ses projets futurs. Il était assez... assez bizarroïde, Bowie, dans ces années-là. Il prenait beaucoup de cocaïne et toutes sortes de drogues. Alors, son jugement n'était pas nécessairement très affûté, n'est-ce pas? Effectivement. Il n'était pas tout le temps là. En 1980, le Studio 54 ferme définitivement ses portes à l'occasion de son 30e anniversaire. Oui, 30e anniversaire, ça c'est surprenant, parce que je pensais vraiment que c'était un endroit qui était apparu avec la mode disco. Là. C'était la discothèque la plus célèbre au monde et, semble-t-il, l'endroit le plus décadent aussi au monde. Oui, le Studio 54 est surtout reconnu pour la décennie des années 70, là, où il y a eu un film, d'ailleurs, qui a été fait sur l'histoire de ce avec ce Mike studio. Myers, Donc ça existait déjà avant. Ça devait être un bar où on faisait jouer de la musique, mais c'était pas nécessairement du disco. Mais c'est devenu une espèce de mec, là, pour les amateurs de musique plate et superficielle, là. C'était pas n'importe qui pouvait rentrer là, hein. On sélectionnait les gens qui étaient beaux et bien habillés. Les vedettes, même si elles étaient pas belles, là, pouvaient rentrer facilement. Bien sûr. Mick Jagger a jamais eu de problème à rentrer là. Mais c'est ça, c'était un endroit où ça consommait beaucoup de drogue. Les gens avaient des relations sexuelles comme ça en public. C'est un endroit très particulier et pas nécessairement très intéressant. Non. C'est pas toujours... non, c'est ça. C'était pas rock, en tout cas. Non. C'est ça, demander, mais pourquoi? Ben, je comprends, Mick Jagger, c'est quelqu'un qui est toujours intéressé au mode passagère. Ouais, c'est ça. Au vogue, qui était très, je dirais, limité dans le temps. C'est un gars de party aussi. Ouais. Il était très, très social. Mais par contre, on se demande, mais pourquoi les gars de Kiss allaient là? Je pense pas que Ace Frehley est allé, là, mais c'est un Stanley allait danser là, entre autres. Là. Les femmes, la drogue. Ben, pas pour Gene Simmons. Gene Simmons, les femmes, mais les autres, peut-être. Consommer de l'alcool ou peu importe. Ben, pas cette année, consomme rien à peu près. Non, lui aussi, il est dans la même. Mais n'empêche que, c'était l'endroit le plus populaire. Donc, c'est une belle façon de se faire voir dans les soirées mondaines. Mais tu sais, c'est une tradition qui est pratiquement millénaire. Là. Aussitôt qu'on a un certain standard de mondanité, tout le monde veut participer, même ceux qui sortent du cadre. Oui, c'est ça. Ça faisait jet setter. Oui, c'est ça. Exactement. Que moi, j'aurais même pas essayé de rentrer. Moi non plus, j'aurais pas été vraiment intéressé. Je pense même pas que je serais passé à l'avant. J'aurais changé de vue avant. D'ailleurs, c'est très drôle, hein? Y a une espèce de parodie de ça dans un épisode de That 70s Show où on voit Eric qu'il s'en va avec ses amis pour rentrer dans une discothèque et refuse d'entrer alors que sa blonde, elle entre. Et puis là, lui, il peut pas rentrer. Et finalement, vers la fin de l'épisode, elle vient chercher. Mais qu'est-ce que tu fais là? Là, le doorman lui dit... Wow, c'est ta blonde, ça! Ouais, j'avoue. Ouais, moi, je me rappelle cet épisode-là. Très bonne série. Ouais, c'est très drôle. Et ce qui nous amène du côté plus rock cette fois-ci, on est en 1988, Queensryche qui lance l'album Concept Operation Mindcrime. Oui, un des premiers gros canons, je dirais, là, du mouvement metal progressif. Mm-hmm. Excellent album, d'ailleurs. Et on termine les éphémérides du 21 au 27 avril en 2006, alors que Keith Richards est admis d'urgence dans un hôpital des Fidji après s'être frappé la tête en tombant d'un palmier. Oui, un cocotier. Ouais. Ben, ça a l'air drôle comme ça, mais veuillez mourir. Oui, effectivement, effectivement. C'est quel geste insensé de la part de Keith Richards de décider de grimper dans un cocotier. Ouais, ce genre de truc, tu sais. Ah, ça a l'air le fun, alors, sauf qu'il est tombé sur la tête. Moche. Et c'est ce qui met fin aux éphémérides. Je vous rappelle que Simon anime une autre émission sur nos ondes. C'est Album Classique. Ça, c'est les vendredis en direct à 10h, juste avant un classique. Et en reprise, les samedis après-midi. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être en reprise les mardis... Non, pas la semaine prochaine, dans deux semaines. Les mardis midi. Génial. Merci beaucoup, Simon. Ce fut très plaisant. Merci de m'avoir reçu. 11h58, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Émission régulière cette semaine en compagnie du Dr. Pendragon. Je vais vous présenter, comme toujours, la sélection rock la plus éclectique, la plus éclatée des ondes. Nous allons entendre du rock psychédélique, du hard rock, du rock and roll, du AOR, blues rock, boogie, du rock progressif, du southern rock, du glam rock, du shock rock et du metal vers la fin. Nous allons entendre entre autres des artistes des groupes tels Nashville Pussy, AC/DC, Kiss, Allman Brothers Band, The Doors, Grand Funk Railroad, The Yardbirds, Alice Cooper, Yes, Kansas, Blood Ceremony, Pat Travers et Slayer. À travers tout ça, je vais vous présenter un groupe américain sudiste très obscur des années 70 du nom de Marshall Tucker Band. Ils sont à peu près inconnus ici au Québec. Et je vais vous faire tourner une face complète de non pas un, mais bien deux albums vinyles classiques parus il y a 40 ans cette semaine, soit Diamond Dogs de David Bowie et Secret Treaties de Blue Oyster Cult. En outre, je vais vous présenter plusieurs nouveautés par de jeunes formations telles Band Sinister, Epica, Menace, Portrait, Ex Mortis, Biblical, Throne of Vengeance, et je vais vous parler de l'édition spéciale 40e anniversaire de l'album Not Fragile de Bachman Turner Overdrive. Le docteur va se joindre à nous dans une trentaine de minutes. D'ici là, je vais vous présenter plein de bonnes choses. Dans un moment, nous allons entendre Heart. Mais tout de suite, débutons avec un peu de AOR, avec un des gros noms du genre dans les années 70. Je parle de Jefferson Airplane. Ride the Tiger. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. an Oriental man to tell you about sadness and sorrow or the love of a man and a woman. It's like a tear. It's like love. It's like a tear. It's like love.

Heart avec Heartless, la pièce qui ouvre leur troisième album Magazine, paru en 1978. C'était précédé de Foreigner avec At War With The World. Ça, ça nous vient de leur premier album homonyme, paru en 77. Et au début du bloc, nous avons entendu le Jefferson Starship avec Ride The Tiger, qui nous vient de l'album Dragonfly de 1974. Midi 17, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vais vous parler d'un groupe sudiste du nom de Marshall Tucker Band. Mais là, justement, en parlant de sudiste, je vous propose maintenant un petit bloc Southern Rock. Dans un moment, nous allons entendre Lynyrd Skynyrd de Blackfoot, mais tout de suite, Allman Brothers Band. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Dans la dimension rock classique.